Hola, ¿cómo están? Yo soy David Toublon. Los estaré acompañando en este podcast que se llama Picnic. El podcast consistirá en hacer un especial sobre alguna banda. Banda mexicana, banda francesa, banda australiana. Y esta semana estaremos picniqueando con una banda que se llama Merzin, del noroeste de Francia, precisamente de Landerneau, un pequeño pueblo en Bretaña. Y pues esta banda empezó en 1996, son seis compañeros de preparatoria que empezaron con este proyecto. Merzin, ¿por qué Merzin? Merzin en bretón significa Merlin, el bretón es el dialecto de Bretaña, y vamos a escuchar la primera rola que los hizo conocer, que se llama Les Nains de Jardin, los gnomos de jardín, y regresamos. Après, deux hommes en noir avaient piqué mes nains de jardin. Merzin está compuesto por seis personas. Pierre Le Bourdonnais en el canto y en los coros, Ludovic Berrou en la gaita, flauta, clarinete, saxofón y también en los coros y todos los instrumentos que tengan que ver con instrumentos de aire. Damien Lebras en el bajo, Stéphane Huns en la guitarra eléctrica, Vincent Lourd en la guitarra eléctrica y acústica y en los coros. Y hasta 2005 estaba Mathieu Persson en la batería y en las percusiones, y fue reemplazado por Christophe Rossini, también conocido como Toff, y está ahora en las baterías y las percusiones. Vamos a escuchar otra rola que se llama Messieurs Dames. Escuchemos esto. En el 2002, Merzin sacó su segundo álbum titulado Adrenalina, que contiene 13 canciones. Tuvo la participación y la ayuda para producir este disco del grupo Wigawag, grupo celta, también del cantante Red Cardel, también vocalista de otro grupo francés celta. Y este álbum refleja mucha energía, mucha más energía que Pleine Lune. Es como un reflejo de lo que quieren dar a conocer de ellos sobre el escenario. El sonido de las guitarras se hace mucho notar en este disco, pero sin olvidar la gaita, que es el símbolo, ¿no?, del rock celta. Vamos a escuchar esto que es Maximum. Recuerden que estamos en Ego 99 Radio y esto es Picnic. Je me donne du mal, je fais le maximum. J'en fais des tas, j'en abats des tonnes. Je me donne du mal, je fais le maximum. Pour trouver ma voie, y mettre les formes. Je casse, fracasse sans m'écrouler sous la masse. Je construis, détruis, mais jamais ne me lasse. Je n'ai pas peur des erreurs, elles me façonnent. Et un jour devoir se dire j'abjurais, je conjure. Je ne suis pas aux normes, je ne suis pas à fond. Je hurle, je brûle, fume et me consume. Quand je monte des montres sans jamais rendre de compte. Je me donne du mal, je fais le maximum. J'en fais des tas, j'en abats des tonnes. Je me donne du mal, je fais le maximum. Et un jour pouvoir se dire que ça décolle. Je pousse des choses au maximum. Que ça décolle. Aucune pause ni ultimatum. Observer des cortiques, autant de temps passé comme vient le déclic. Je passe, repasse, je file et se défile. Toutes ces choses si possibles, laissez-moi aussi facile. Je me donne du mal, je fais le maximum. J'en fais des tas, j'en abats des tonnes. Je me donne du mal, je fais le maximum. Et un jour pouvoir me dire que ça décolle. Je pousse les choses au maximum. Que ça décolle. Aucune pause ni ultimatum. Je me donne du mal, je fais le maximum. J'en fais des tas, j'en abats des tonnes. Je me donne du mal, je fais le maximum. Pour trouver ma voie, y mettre les formes. Je casse, fracasse, sans m'écrouler sous la masse. Je construis, détruis, mais jamais ne menace. J'ai pas peur des erreurs, elles me façonnent. Et un jour pouvoir me dire que ça décolle. Ego 99. Porque sí, y porque vale la pena. Escuchemos esto que sigue, que es Bandit de Merzin. Recuerden que estamos en Ego 99 Radio. Regresamos. Je n'ai rien à te dire. Si parfois les gens se quittent plus vite pour en finir. Je ne sais plus si l'ami tu vas me manquer. Je n'ai plus l'envie, mon cœur est fatigué. Si tu le crois, ne laisse pas tous ces guignols, ces fiers à bras, ces couilles molles dire de moi. De tête de mort, de fils de rien, tu m'as laissé là comme un bandit moyen. Tu m'as traité de tous les noms, tu m'as jeté dans le fond, tu avais bien raison. Si tu crois que le monde est tout à toi, qu'il fait suffit de séduire au plus vite pour réussir. Du moment qu'on est riche, qu'on en a plein les poches. Du moment qu'on affiche de belles idées à gauche. Et quand tu te fâches que tu n'es plus en veine, tu me traites de lâche, ça me fait de la peine. Alors dis-moi et ne ris pas, tu étais si fier de toi le jour où tu m'as dit basta. Bandit, voyant, tu m'as traité de tout et non, de tête de mort, de fils de rien, tu m'as laissé la corde. Tu le vois, j'étais bien maladroit. Je croyais que le monde sans moi n'existait pas. Un siècle, une seconde, être le fou le roi. Un siècle, une seconde, pour une première fois. Tu me l'as dit d'un air ravi. Salut guignol, j'ai ton costard, on se reverra au bout du bar. Bandit, voyant, tu m'as traité de tous les noms. De tête de mort, de fils de rien, tu m'as laissé la corne. Tu m'as jeté dans le fond, tu avais bien raison. El 15 de mayo de este año del 2006, Merzin sacó su nuevo disco, Pieds nus sur la braise, pies descalzos sobre la brasa. Este disco es un sonido de Merzin un poco más depurado, un poco más formal. Y la primera rola que les voy a poner de este disco se llama La rue calumet. Es un juego de palabras entre la adicción del cigarro y la historia de una chica. Escuchemos esto, La rue calumet. Esto es Picnic. Tu m'allumes goudron dans les plumes. Je me laisserai bien aller sans rien espérer. Ta peau fond lentement, mes nerfs se consument. Oh, petit coin, je résume année d'infortune. Nos têtes à tête brûlées dans la rue calumée. Recouvert de brûlures, j'ai le souffle coupé. Les cheveux emmêlés sous ta robe de papier, ton parfum, tes saveurs me font toujours trembler. Je flirte à la mesure, ne passerai jamais le mur. J'observe ton œil s'enflammer, au bon souvenir tu filtrais nos baisers. Regarde, je suis condamné, accorde-moi une dernière volonté. Sans toi, je peux plus respirer, je m'en mords les doigts de ne pas avoir su t'éliminer pour toi. Aurais-je la volonté, j'ai si souvent rêvé que tu allais partir en fumée. Je joue avec le feu, qui au premier fera ses adieux. Mes neurones accumulent délire ridicule. La bave au coin des lèvres, je deviens ton pitbull. Dans tes yeux ma gitane, que tu sois blonde ou brune. Une dernière bouffée que tu finisses en sang. Sur le bout de ma langue, entre mes doigts tu danses. Je flirte à la mesure, ne passerai jamais le mur. J'observe ton œil s'enflammer, bons souvenirs, tu filtrais nos baisers. Regarde, je suis à tes pieds et t'en profites pour m'écraser. Sans toi, je peux plus respirer, je m'en mords les doigts de ne pas avoir su t'éliminer pour toi. Aurais-je la volonté, j'ai si souvent rêvé que tu allais partir en fumée. En fumée, je joue avec le feu. Qui le premier fera ses adieux? Je peux plus respirer, je m'en mords les doigts de ne pas avoir su t'éliminer pour toi. Aurais-je la volonté, j'ai si souvent rêvé que tu allais partir en fumée sans toi. Je peux plus respirer, j'y pense à chaque fois que tu me laisses seul au café d'en bas. Repère des sinistrés, j'ai si souvent rêvé que tout allait partir en fumée. En fumée. Je joue avec le feu. J'ai le premier feu. Adieu, je déchire notre amour de papier. J'écraserai notre amour mal consumé. Je joue avec le feu. Qui de nous deux fera ses adieux? Je déchire notre amour de papier. Et j'écrase notre amour mal consumé. Je te crache à la figure. Et j'infiltre l'ouverture. Je déchire notre amour de papier. J'écrase notre amour mal consumé. Gracias por habernos escuchado. Esto fue Picnic y les voy a presentar la última rola que se llama Torche Vivante, Antorcha Viviente. Y el sitio de internet de Merzin es www.merzhilatinan.net. Repito, es www.merzhin.net. Y esto fue Picnic por Ego Radio 99. Y hasta luego, yo soy David Toublan y nos escucharemos la semana próxima. Bas bercé par l'étincelle, s'enfuir à deux pas caché sous la semelle. Subtile carte qu'on abat le roi bien la reine. De jour sombre en nuit blanche, le rouge est notre emblème. Changer la donne, chawa, faire pâlir le soleil. Vivre le souffle brûlant des éléments charnels. Odeur de soufre, des couleurs à l'ancienne. Plongeons dans la moiteur de la marée humaine. Shawa, shawa, le front marqué de braise. Shawa, shawa, entrons dans la fournaise. Enflamme-toi, un incendie du cœur. Les yeux cernés à l'aube. Enflamme-toi, n'arrondis pas les angles. Enflamme-toi. Sois ma torche vivante. Quand on marche à deux pas, ne tiens pas la chandelle. Sans prendre plein les dents, ça ne coupera pas les ailes. Consume un bout de soie. Artifice au bout des doigts. Flambeau de marche aveugle, donne naissance à l'étincelle. Sois ma torche vivante, la lueur est si belle. Shawa, shawa, le front marqué de braise. Shawa, shawa, entrons dans la fournaise. Enflamme-toi, un incendie du cœur. Les porque no somos la mezcla musical perfecta. Ego 99.